بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le 20e cours dans l'explication de Kitab al-Salat, Inch'Allah. Et tout d'abord, un point essentiel concernant le cours d'hier. فقد رأينا بالأمس أن اتخاذ السترة في الصلاة سنة. On a vu hier que le fait de prendre une sutra durant la prière, c'est une sunnah. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre la sutra. Et donc on fait attention, c'est pas parce qu'on dit d'un acte que c'est une sunnah que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Une sunnah, ça veut dire que tu es récompensé quand tu le fais. Mais tu ne pèches pas lorsque tu ne le fais pas. Et donc, la sunnah, il nous est quand même demandé d'accomplir les actes donc surérogatoires, les actes qui ne sont pas obligatoires. Et donc on fait attention, c'est pas parce qu'on dit telle chose, c'est une sunnah, ça veut dire je fais pas. Souvent on a le mauvais réflexe de se dire, ah sunnah c'est bon, je fais pas. Sunnah je fais pas, sunnah je fais pas. Et on passe à côté de combien de récompenses comme cela. Et on va le voir encore pendant le cours, Inch'Allah Ta'ala. Et donc le hadith du jour, aujourd'hui on va voir deux hadiths, Inch'Allah, on va finir le chapitre. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, certes Bilal fait le adhan durant la nuit, alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le Eden. Muttafaqun alayh. Fi hadha al-hadith jawaz al-adhan qabla al-waqt khassatan bi salat al-fajr. Et donc il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de faire le Eden avant le début du temps, et ça c'est spécifique à la prière du Fajr. Ça, c'est spécifique à la prière du Fajr. Il y a un Eden avant le début du temps et un Eden après cela, donc lorsque le temps de la prière a commencé. Et on a déjà vu donc la dernière fois que le Eden avant le temps de la prière n'est pas légiféré. Le Eden avant le temps de la prière n'est pas légiféré, sauf donc on spécifie cela pour la prière du Fajr. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué la raison en cela. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. Et donc selon Al-Bukhari et Muslim, donc dans les recueils respectifs d'Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le adhan de Bilal n'empêche à aucun d'entre vous de pratiquer son suhur. Et donc, c'est-à-dire donc le repas avant de jeûner, etc. Car certes, il fait le Eden afin que revienne celui qui fait le Qiyam, Qa'imukum. Afin que revienne celui qui fait le Qiyam. Les savants, ils ont dit que revienne celui qui fait le Qiyam. Alladhi yakum, alladhi ay yusalli bil layl wa yakum bil ibada, ruju'uhu ay annahu yadhhab yanam qalilan qabla tulu' al fajr. Et donc, ils ont dit que le fait qu'il revienne, c'est-à-dire le fait qu'il aille dormir un tout petit peu, il aille se reposer un peu, avant, donc, l'arrivée du Fajr, pour qu'il ait de la force, pour qu'il soit nashid. Parce qu'il se levait tôt, bien avant, pour pouvoir prier la nuit, et donc se reposer juste un peu avant le Fajr. Ils disent aussi, pour qu'il puisse aller se nourrir, li yadhhab ya'kula qalilan qabla dukhul al-fajr, il va se nourrir, ou autre chose que cela dont il a besoin. Et donc qu'il arrête de prier pour faire ce dont il a besoin avant le début de la salat. وَيُوْقِذَ نَائِمَكُمْ. Et afin, donc, Bilal, il fait le Eden pour réveiller celui d'entre vous qui dormait. Celui d'entre vous qui dormait. Et donc là, c'est clair. وكذلك في الحديث جواز الأكل والشرب إلى الأذان الذي هو عند طلوع الفجر خلافا لبدعة الإمساك. Il y a dans ce hadith donc le fait qu'il est permis de manger et de boire jusqu'au deuxième adhan, c'est-à-dire le adhan qui est à l'entrée du fajr, contrairement à l'innovation qu'on appelle le imsek, le fait de se dire c'est mieux d'arrêter de manger environ une heure ou environ une demi-heure avant l'adhan. Pourquoi ? Parce que c'est mieux, c'est plus sûr. Ça, c'est une innovation. C'est une innovation. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ » Et mangez et buvez jusqu'à ce que soit clair le « الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ » C'est-à-dire l'obscurité de la nuit et donc la lumière de la journée. Mangez et buvez jusqu'à ce que ces deux soient distinctes. On voit clairement donc la distinction de la lumière de la nuit du jour et la lumière de la journée. C'est-à-dire, on voit l'apparition du Fajr. Jusqu'à ce que certains compagnons, à tel point que certains compagnons, ils voyaient même qu'il était permis de manger, même après le début du Fajr. Même après le début du Fajr, jusqu'à ce qu'il se fasse bien clair. Ils disaient, ah là, c'est bon, on arrête. Pourquoi ? Bien entendu, cet avis, il est marjouh. C'est l'avis, donc, cet avis, il n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que beaucoup de compagnons ont répliqué à cela, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais c'est pour vous montrer donc que tout ce qu'on a eu dans les premières générations de l'islam est totalement contraire à ce qui est arrivé après El-Imsek. Tayyib. Wa fil hadith jawaz ittihad al-mu'adhdhinayn afwan li masjidin wahid. Et donc il y a dans le hadith le fait qu'il est permis de prendre deux mu'adhdhin pour une seule mosquée. Wa fihi annahu yajuzu akhdhu al-mu'adhdhin al-a'ma in kana yadhbitu al-waqt. Il y a aussi dans le hadith le fait qu'il soit permis de prendre un mu'adhdhin qui soit aveugle, parce que Bilal lui il était aveugle. Comment ? Afwan, excusez-moi. Ibn Ummi Maktoum, il était aveugle. Donc il est permis de prendre un mu'adhdhin qui était il y a dans ce hadith le fait de prendre un mu'adhdhin qui soit aveugle. D'accord ? Maintenant, on a Shafi'iyya. Les ulama de Shafi'iyya, ils disent c'est permis de prendre un mu'adhdhin aveugle si il a avec lui quelqu'un qui voit, qui est mubsir. Pourquoi ? Parce qu'il y a été rapporté dans ce même hadith, mais la narration de Muslim, Abdullah ibn Omar, qui dit à la fin du hadith, وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. Et donc, Abdullah ibn Omar qui dit, et c'était un homme aveugle. Il ne faisait pas le Eden avant qu'on lui dise أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. Les savants le disent, c'est-à-dire que tu es proche du Fajr. Tu es proche du Fajr. D'accord ? Et donc, mais dans tous les cas, on revient donc à cette généralité de la parole générale des savants, c'est-à-dire que le mu'adhdhin aveugle, il est permis lorsqu'il maîtrise le temps. C'est-à-dire que qu'il y ait quelqu'un avec lui ou un autre moyen avec lui pour lui permettre de connaître l'heure, à partir du moment où il maîtrise le temps, donc il peut être mu'adhdhin. قال ابن الملقن رحمه الله وفيه وجوب البيان عند الاشتباه. Ibn al-Mulaqqin rahimahullah, il dit, il y a en cela le fait qu'il soit obligatoire d'expliquer lorsqu'il y a donc une, je dirais pas une ambiguïté, mais al-ishtibah, c'est lorsque ce n'est pas clair. Lorsque ce n'est pas clair. Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué donc pour que ça soit clair pour tous, que attention, ce n'est pas parce que vous entendez ce Eden là qu'il faut arrêter de manger. Et donc il y a en cela l'obligation d'expliquer lorsque quelque chose n'est pas clair. Et ça c'est la wadifa, c'est le rôle donc des imams, des prédicateurs, de tous ceux qui doivent expliquer aux gens. Lorsqu'il y a quelque chose de pas clair, on doit expliquer aux gens. C'est ton métier, c'est ton rôle. Il faut que tu assumes cette responsabilité. « ثم الحديث الثاني donc le deuxième hadith عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Et donc عن أبي سعيد الخدري, tu peux me passer un stylo s'il te plaît. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit si vous entendez le muezzin alors dites comme il dit. Alors donc, prononcez la même chose, les mêmes paroles que lui. Barakallahu fik. Fi al-hadith, mashru'iyyatu ijabati al-mu'adhdhin. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est légiféré de répondre au mu'adhdhin, c'est-à-dire de répéter ce qu'il dit. Dhahabat al-dhahiriyya wal-hanafiyya ila al-wujub. لأن الأمر يفيد الوجوب. الظاهرية ainsi que الحنفية, l'école ظاهريتي حنفيت, il voit que il est obligatoire de répondre, donc de répéter ce que dit le muezzin. Pourquoi? Parce que الأمر يفيد الوجوب. L'ordre dans la législation implique une obligation. Quand on voit un ordre du prophète, cela implique une obligation. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Alors dites comme il dit. C'est un ordre. Ils disent, il n'y a rien qui montre par la suite que c'est mustahab. Pourquoi? Parce que la base, ils disent, tout ordre dans la législation implique une obligation, sauf s'il y a une preuve à part qui montre que c'est mustahab, que c'est recommandé et pas obligatoire. Ils disent, il n'y a pas de preuve qui montre que c'est recommandé, et donc on reste sur la base, c'est que c'est obligatoire. وذهبت الجمهور الى انه مستحب الى majorité la grande majorité des savants ils voient que c'est recommandé فما ادله الجمهور quelles sont les preuves de la majorité استدلوا بحديث رايناه سابقا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. Et donc, ils se sont basés sur ce hadith qu'on a déjà vu précédemment. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Malik ibn al-Huwayrith, Malik ibn al-Huwayrith, lorsqu'il dit, lorsque vient le temps de la prière, alors que l'un d'entre vous fasse le Eden, et que le plus grand d'entre vous dirige la prière. Elle est où la preuve ici? Elle est où la preuve ici dans ce hadith? أين الدليل؟ العلماء disent هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ces gens-là, ils sont venus voir le prophète صلى الله عليه وسلم depuis leur pays. Et le prophète, il leur a dit ça. ثم سيرجعون إلى بلدهم. Ensuite, ils vont retourner dans leur pays. وقد لا يرجعون إلى المدينة. Il se peut qu'ils ne reviennent pas à Médine. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم. Et malgré cela, le prophète صلى الله عليه وسلم, il ne leur a pas montré. Il ne leur a pas dit, lorsque vient le temps de la prière, alors que l'un d'entre vous fasse le Eden. Et attention, il faut répéter après le Mu'adhin. Et or, on a vu tout à l'heure, wujubul bayan عند الاشتباه. Il est obligatoire d'expliquer, de détailler, lorsque ce n'est pas clair. Et donc là, c'est le moment d'expliquer. Ils disent là, c'est le moment d'expliquer. Ces gens-là, ils vont repartir chez eux et il se peut qu'ils ne prononcent pas l'Aden, ils ne répètent pas derrière le Mu'adhin. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas expliqué. Les savants disent c'est une preuve, cela montre que ce n'est pas obligatoire. ثم من الأدلة كذلك ما أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. Et parmi les preuves qui montrent que c'est recommandé de suivre, de répéter ce que dit le muezzin. Il y a donc le athar de Omar dans le recueil de Malik, El Muwatta. Malik donc qui dit selon Ibn Shihab, selon Tha'laba Ibn Abi Malik El Quradi, et donc Tha'laba qui dit, Tha'laba qui a informé Ibn Shihab que à l'époque de Omar, donc c'est-à-dire lorsque Omar, c'était lui le gouverneur, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il priait le jour du vendredi jusqu'à ce que sorte Omar. Et donc les gens, ils priaient, ils accomplissaient des nawafil jusqu'à ce que vienne Omar. Tu te rappelles ? Je t'en avais parlé. Voilà, maintenant il est venu. Jusqu'à ce que vienne Omar. Et lorsqu'il venait, et lorsqu'il s'asseyait sur le mimbar, et que les mu'adhinoun faisaient l'éden, Tha'laba dit, alors nous nous asseyons et nous discutions. On arrêtait la prière, on s'asseyait, on discutait. Et lorsque les mu'adhinoun, ceux qui faisaient l'éden, se taisaient, et que Omar, donc, se tenait sur le mimbar, alors à ce moment-là, on se taisait. Et il n'y avait plus aucun d'entre nous qui parlait. Ibn Shihab, il explique cette parole en disant, et donc la sortie de l'imam arrête la prière. C'est-à-dire que lorsque les gens priaient, ils accomplissaient des prières nawafil, donc surérogatoires, la sortie de l'imam va impliquer le fait que les gens arrêtent de prier. Et kalamuhu, et le fait que l'imam parle, va impliquer le fait que les gens arrêtent de parler. Et donc les savants, ils disent, ce hadith-là, et cela montre bien qu'à l'époque de Omar, qui fait partie des Khulafa al-Rashidin, les gens, ils pouvaient parler pendant que le Mu'adhin faisait l'Aden, et Omar ne blâmait pas. Et vous connaissez certes la jalousie de Omar par rapport donc au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet avis, « وَهَذَا الْقَلْهُ وَالْرَاجِحِ » Inch'Allah ta'ala, cet avis, le fait que de répéter ce que dit l'imam, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, et c'est l'avis qu'a choisi aussi donc les deux grands imams de notre époque, l'imam Ibn Baz et Ibn al-Uthaymeen, rahimahumullah. طيب وكذلك في هذا الحديث أن من لم يسمع المؤذن لا يجيبه وإن رآه. Il y a dans ce hadith que le fait que celui qui n'entend pas le muezzin, alors il ne répète pas ce qu'il dit, même s'il le voit. Quelqu'un qui est derrière une vitre, etc., il n'entend pas ce que dit le muezzin, mais il le voit. Les savants ils disent, il ne répète pas. Pourquoi ? Parce que le prophète il a dit, فَإِذَا سَمِعْتُمْ, lorsque vous entendez. وكذلك قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله بعدم إجابة المؤذن على الإذاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن وهنا لم نسمعه لكننا سمعنا تسجيل صوته السابق. Et donc aussi le très savant Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, il dit que on ne va pas répéter ce que dit le muezzin à la radio lorsque cela est enregistré, que ce n'est pas en direct. Pourquoi ? Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit lorsque vous entendez le muezzin. Et ici, on n'entend pas le muezzin, mais on entend l'enregistrement de sa voix précédente. Le muezzin qu'il a fait auparavant. Mais ce n'est pas là, on ne l'a pas entendu. Et donc, à ce moment-là, tu ne répètes pas. Et c'est le gros problème qu'on trouve souvent quand on va en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays musulmans, quand on est dans des centres commerciaux. Tu es dans un centre commercial et lorsque vient l'heure de la prière, à chaque fois, on entend l'Eden. C'est l'enregistrement, ça. C'est l'enregistrement et les gens ils répètent Allahu Akbar, Allahu Akbar, alors que c'est un enregistrement. Parfois, tu te retrouves même donc à entendre le Eden de Misr ou le Eden du Caire, alors que tu es de Mecca, alors que tu es dans une autre ville, etc. Tout ça, c'est des enregistrements. Et donc, il faut faire attention par rapport à cela, sauf si tu sais que c'est en direct. Donc si tu sais que là c'est en direct, là Cheikh Ibn Baz il dit il n'y a pas de mal. Quand tu sais que là c'est le Mu'adhin, il est en direct, c'est pas en enregistrement, là ben ça bihi. طيب وكذلك في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا مثل ما يقول وأن هذا الكلام مقيد بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحي علتين أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Et aussi ensuite donc concernant donc le fait que le le mu'adhin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors dites comme il a dit. Alors dites comme il a dit. Cette parole-là, elle est délimitée par ce qui a été rapporté dans le recueil de l'imam muslim selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant que lors de Al-Hayy'alatayn, c'est quoi Al-Hayy'alatayn? Hayy'al-Salat, Hayy'al-Falah. À ce moment-là, on ne répète pas ce que l'imam il dit, ce que le mu'adhin dit, mais on va dire La hawla wa la quwwata illa billah. Et cela, je veux que vous le reteniez pendant longtemps, inshallah. On en aura besoin dans quelle mas'ala fiqhiyya? Dans quelle mas'ala fiqhiyya concernant la salat, on aura besoin de ce dalil. Je vous donne un indice. Wa fihi anna lafz mithl la yadullu ala al-mutabaqati tammah da'iman. Il y a en cela le fait que la parole mithl, donc la même chose, dite la même chose, cela ne veut pas dire que cette ressemblance, elle est conforme totalement à la première chose, que cela est tout le temps conforme totalement à la première chose. Quand on dit la même chose, quand le prophète il dit le mot mithl dans la législation, est-ce que ça veut dire que ça sera tout le temps pareil, exactement, ou alors que non, il peut y avoir des exceptions. Comme on a ici, il nous dit, dites la même chose. Pourtant, on ne répète pas exactement la même chose que le mu'adhin. On répète la même chose, sauf pour des exceptions. À quel moment on peut utiliser ce dalil dans la salat? Toi, tu fais le takbir. Hein? Sami Allahu liman hamida. Lorsqu'on va voir cette divergence, on va revenir là-dessus. D'accord? Sami'Allahu liman hamida. Est-ce qu'il faut répéter ce que l'imam il dit? Sami'Allahu liman hamida. Ou est-ce qu'il faut dire donc Rabbana wa lakal hamd? Khilafun bayna al-ulama. Et on va revenir avec ce dalil là inshallah ta'ala. Donc retenez-le jusqu'à ce moment-là. Ne l'oubliez pas. Et donc ensuite le dernier point qu'on voit aujourd'hui, yustahabbu as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit que c'est pas donc obligatoire de répéter ce que dit le mu'adhin. Mais encore une fois, je vous dis les frères, celui qui utilise ce qu'on apprend à chaque fois pour se permettre de délaisser toutes les sunnans, c'est lui le perdant. C'est lui le perdant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne ce dont on a besoin. C'est nous qui en avons besoin. C'est nous, au jour du jugement, qui allons avoir besoin de toutes ces récompenses. De tout ça. Et takunnar, walaw bishik kitamr. Craignez le feu, protégez-vous du feu, même avec la moitié d'une date. C'est nous qui allons avoir besoin de toutes ces récompenses. Et donc, ce n'est pas parce qu'on te dit que c'est sunna de répéter ce que dit le mu'adhin, que ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas te taire comme ça. Ou parfois même, on n'a rien à faire, juste on est là. Et on ne répète pas. Ce sont des récompenses qui partent dans le vent comme ça. Et donc, il est recommandé aussi, après l'Eden, de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire invoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, de demander pour lui, al-wasila. Al-wasila, certains savants disent, a'la al-manzila fil jannah, le plus haut degré du paradis. Muslim, il cite dans son recueil, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم فقل مثل ما يقول ثم صلي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque vous entendez le mu'adhin, alors répétez ce qu'il dit, dites la même chose que lui. Puis, priez sur moi, sallu alayya, c'est-à-dire invoquez pour moi. Car certes, celui qui invoque pour moi, donc une salat, donc une fois, certes, Allah tabaraka wa ta'ala, yusalli faqad sallallahu alayhi ashra. Ça veut dire quoi? Donc Allah qui prie sur lui 10 fois. On avait dit quoi? Ça veut dire quoi salat ici? Hein? Non? Salat d'Allah invoqué? On va te dire, mais Allah il invoque qui? Et donc c'est quoi salat? Hein? La mention du serviteur. La mention, c'est-à-dire il le mentionne, il fait ses éloges. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala fasse ses éloges. Et donc celui qui va donc faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah tabaraka wa ta'ala va donc faire ses éloges. Il va faire ses éloges, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et demandez à Allah pour moi, el wasila. Car certes, c'est un degré au paradis qui ne convient qu'à un seul des serviteurs d'Allah. Et j'espère que je suis celui-ci. Et donc, celui qui demande pour en ma faveur, el wasila, il va bénéficier de mon intercession. Et là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous dit une très belle parole, il nous dit Na'am. Li'anna car la récompense, la rétribution est du même genre que l'œuvre. Parce que lorsque toi tu fais salat à la Nabi, c'est une invocation. Une invocation pour entraîner un bien et repousser un mal. Entraîner un bien et repousser un mal. Et donc, qu'est-ce que je fais à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est aussi le fait que le prophète intercède pour entraîner un bien et repousser un mal. Et donc, ne laisse pas toutes ces récompenses passer. Ne laisse pas tout cela passer. On a déjà vu les différents types d'intercession. Pour ceux qui ont des péchés, qui doivent rentrer dans le feu, que le prophète intercède pour eux pour qu'ils ne rentrent pas dans le feu, qu'il aille directement au paradis. Ceux qui sont rentrés dans le feu, qu'il intercède pour qu'ils sortent du feu et qu'il aille au paradis. Pour ceux qui sont rentrés directement au paradis, qu'il intercède pour qu'ils montent en degré. Et donc, ne laisse pas passer comme ça les récompenses. Ne laisse pas passer, tu en auras besoin, Inch'Allah, yawm al-qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.